CMP Family. Mat la tech, go mat sec. Le mec n'est plus ultra tanec. Arrive avec sa nouvelle tech. Mix mix, sur ta tech. Mix mix pour les mix vex. Pose sous platex, comme un gros sexe. Sexy, j'suis sexy. Au mac, ta miss me dit si j'suis dix. Ça et mexi, c'est pour le 9. Oui, check, j'suis de la génération sex and sud. Écoute ce son, je sais qu'au fond, toi, de toute façon, tu sais ce son, ça sonne. Fais bon les miss qui bondissent pendant les soirées. Black tiens bon bondi, même si j'viens pas de bondi pour ta nana. J'serai le black gondi, le plus gros des bondis. La freine est née sur les quais du bondi. Descends la touche, les MC qui braillent. Continue à se demander comment j'fais ma liasse. Amasse les tasses pour des questions. J'roule en merco, sur mon dos. Y'a les narcos, coupable, j'suis de deal de mots. Black sex symbole, check c'est pas de bol pour les concurrents cocu. Écoute mec, avant t'as mis soit vex. Protège ses seufs à tous les coups, à coups de la texte. Génération, sexe, sexe, génération, sexe, sexe, sexe, sexe. Lise que tu veux, de belles miss, pas de Uzi ni de fixe, je te dis que ça. J'suis l'élu en menant mes lits, l'élixir d'amour, le sexe, ça pile aphrodisiaque à la sauce, la gasse, la clé, ouais, bandé, ça bondit. C'est bon, ça comme mon zizou, elle aime ça, on veut des miss bombé, gnon mi, face au brandy, fuck, si bon, sugar, v'las qui t'exige. J'sais pas si c'est la télé qui fait as, mais on aime les femmes sexy. Protège ton boule, bébé. J'sais pas si c'est la télé qui fait as, mais on aime les femmes sexy. Protège ton boule, oh, bébé. Génération, génération, génération, ouais, ouais, sexe, sexe, sexe. Si, se mélanger toski, donc plus de boîtes à dents de scie et une scie pour mes soirées. Assis sur le sable, sensation agréable et le sunset admiré. Puis le sunrise entre les deux, le sexe. Ma nana est très flex, réflexe naturel. Pareil mes ex, troisième millénaire, 3S. Pour une accentuation de caresse sans cesse, stimuli de la paresse, friction. Fiston à l'écran, film de fiction. Vision sous le ciel des âmes en fission. Vivre passion nécessite réflexion. Puisons nos forces dans le scie. Le plaisir dans le sexe, la vie dans le seul. Puisse-t-on guérir le mieux avant d'être vieux. Car la retourne le temps passe et je me prélasse. Kiffe ma thé, ma tasse, ins dehors. Plus de pente à pince, j'en pince pour elle me pince. Si je rêve balade sur un hors-bord, j'aborde mes vacances dans le calme silence. Apporte à la jeunesse un peu de ci, de sexe en dessous.